visage que j'esquisse en l'absence, les mots que j'esquive en présence. Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? Se vit en conscience. Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? À l'avance, le rire qui se glisse dans la danse. Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? Dis-moi, as-tu entendu la vie qui coule dans mes veines? J'esquisse en l'absence, des mots que j'esquive en présence. Dis-moi, as-tu entendu la vie?